Les éditions de l'Avenir présentent les résumés des aventures de Perry Rodden, tels que rédigés par Michel Vanhereux. Cycle 2, Atlan et Harkonnis. Le fascicule allemand numéro 50, Le solitaire des siècles, écrit par K.H. Scheer en 1962, fut adapté en première partie du volume français numéro 22, L'amiral d'Harkonnis, paru chez Fleuve Noir en 1973. L'Harkonnide Atlan, présent sur Terre depuis des millénaires, se réveille d'une période d'hibernation dans sa coupole sous-marine située près de la fosse des Açores. Il l'avait regagnée en catastrophe en 1971 quand les Terriens s'apprêtaient à déclencher la guerre atomique. Il croit maintenant être le dernier survivant de la planète. Il est réveillé par Rico, un robot à la silhouette humanoïde. 5 jours plus tard, Atlan a repris ses forces et sort de sa forteresse. Il se rappelle avoir fait passer des tests à Perry Rodden avant son départ pour la Lune. Il pensait que la rencontre avec des extraterrestres était un canular, mais était tout de même intrigué par une photo représentant ce qui semblait fort à un écran d'énergie. Atlan est repéré par un sous-marin atomique et pris en chasse. Il est touché par une torpille paralysante. Atlan se réveille et apprend qu'il est à bord d'un sous-marin de tourisme. À l'aide de son radiant psy, il prend le contrôle de l'équipage. Il apprend ce qui s'est passé depuis 1971 et en particulier la fondation de l'Empire solaire en 1990, dont Perry Rodden est le stellarque. Il décide d'aller consulter une bibliothèque pour obtenir plus d'informations. Il prend les papiers d'identité d'un des passagers du sous-marin et quitte le sous-marin pour se rendre à Lisbonne. Atlan apprend, lors de visites quotidiennes à la bibliothèque, que Mars, Vénus et quelques lunes de Jupiter ont été colonisées. Il finit par ressentir la présence de télépathes. Il comprend que le sous-marin a été retrouvé. Il rejoint sa forteresse, qu'il engloutit sous la boue, par précaution. Atlan se rend à Terrania, l'ancienne Galactopolis, sous une fausse identité, le 24 avril 2040. Son travail consiste en la vérification de corvettes et il espère pouvoir s'enfuir avec. Rodden, en personne, en prend une pour effectuer un vol d'essai. Atlan s'introduit discrètement à bord. Son but est de sortir de sa cachette à la première réimmersion, mais il perd connaissance, n'ayant plus l'habitude du voyage stellaire. Quand il quitte sa cachette, il se retrouve face à Rodden. Ils se battent et la corvette échappe à tout contrôle. Elle s'écrase sur une planète désertique d'enfer. Perry Rodden dégage Atlan des décombres après le naufrage et les deux hommes se dirigent vers une base à 2 km de là. Atlan et Rodden s'affrontent tant avec des armes que verbalement. Rodden essaie de persuader Atlan qu'Harkonnis est maintenant sous le contrôle d'un robot. Il lui apprend qu'il a eu un fils avec Tora. Ils commencent à souffrir de la chaleur. Après plusieurs heures, les difficultés dues à la chaleur et au manque d'eau s'accroissent et c'est à bout de force que les deux hommes arrivent à la base. Un croiseur se pose bientôt, débarquant plusieurs hommes. Atlan fait alors allusion à la guerre de 30 ans faisant blêmir Rodden. Le fascicule allemand numéro 51, Chasse à la vie, écrit par Kurt Brand en 1962, fut adapté en première partie du volume français numéro 23, Sérum de survie, paru chez Fleuve Noir en 1973. Tandis qu'un croiseur léger ramène Atlan sur la Terre, Perry Rodden reste sur d'enfer pour consulter les banques mémorielles. Il cherche des informations sur des agents terriens infiltrés sur la planète Tolimon en mai 2039. Thora et Crest ayant commencé à vieillir, il est particulièrement intéressé par les rumeurs d'êtres défiant la vieillesse vivant sur cette planète où existe un gigantesque zoo sous le contrôle des Ara. Les agents infiltrés sur Tolimon sont deux mutants, John Marshall et Laurie Martin. Marshall a pris l'identité d'un franc-passeur, Ixt, propriétaire d'une animalerie, et Laurie, celle d'Argasilm, une étudiante arcanide. Un ara, Uxul, vient acheter des oiseaux à Marshall, mais celui-ci lit dans ses pensées qu'il veut en fait ramener la cage le lendemain équipée d'un appareil pour prendre l'empreinte de ses ondes mentales. Les ara ont relevé des inexactitudes dans son dossier. De son côté, Laurie est envoyée au zoo. Elle rencontre Man Reg, une sommité dans la production du sérum de longue vie. Puisant dans ses pensées, Laurie l'impressionne en montrant les mêmes pôles d'intérêt que lui. Elle obtient d'être affectée à son équipe. Lara, Uxul, ramène dans l'animalerie de Marshall une cage avec les oiseaux achetés la veille et entreprend le relevé des empreintes mentales du soi-disant Ixt. Marshall le manipule avec un radiant psy pour qu'il prenne en fait ses propres empreintes et fournisse un rapport falsifié. Laurie le prévient mentalement que Man Reg commence à avoir des soupçons. Les indicateurs de Man Reg lui fournissent un rapport des autorités prouvant que Marshall n'est pas le véritable Ixt. Le mutant et les francs-passeurs échappent de justesse aux services de sécurité qui envahissent la maison. Dans le zoo, Laurie Martin découvre une ferme terrienne de type nordique, puis une zone rappelant le Mexique. Elle fait la rencontre de Rodrigo de Berceo, un terrien enlevé au Mexique au XVIIe siècle, dont elle tombe amoureuse. Surprise par un frog, une des créatures gardiennes du zoo, elle l'amadoue en lui fournissant des pilules stimulantes qui le plongent dans un état d'ivresse. Laurie se trahit à Lara Assa en parlant d'une migraine, maladie inconnue des Arcanides et de leurs descendants. Elle parvient toutefois à s'en débarrasser en informant Man Reg par le biais d'un intercom qu'Assa a fouillé dans ses affaires. Elle trouve enfin une ampoule du sérum tant recherchée. Elle doit s'enfuir devant des robots après avoir pris le directeur du zoo en otage. Elle est bientôt rejointe par Marshall à bord de sa corvette. Ils sont attaqués et le vaisseau détruit. Les trois terriens volent un glisseur et regagnent la ville. Marshall veut rejoindre son magasin, mais le quartier grouille d'ara. Il déclenche une bombe incendiaire pour effacer toute trace. Il gagne ensuite son appartement dans les bas-quartiers et alerte Rodden qui annonce son arrivée. Le fascicule allemand numéro 52, Le faux inspecteur, écrit par Clark Dalton en 1962, fut adapté en deuxième partie du volume français numéro 23, Sérum de survie, paru chez Fleuve Noir en 1973. Pendant l'absence de Perry Rodden, des colons de Vénus ont proclamé leur indépendance. L'émir intervient et tout se résout à l'amiable. Lors d'un banquet, il est appelé par Betty Two Free, responsable de la milice des mutants, en absence de John Marshall. Rodden demande du matériel et le mulot castor. L'émir se rend sur d'enfer avec un yacht de luxe, le Cous Nord. Le vaisseau gagne ensuite le système de revenu. Rodden se fait passer pour l'inspecteur arcanide Ristol. Il s'installe dans un hôtel où il capte les pensées d'hommes désireux de capturer l'émir. Étant totalement inconnu des Ara, le mulot castor attise leur convoitise. Radon est invité à un gala où il se rend, laissant l'émir seul. Quand des ravisseurs arrivent, le mulot castor se laisse enlever. Il est questionné par plusieurs Ara et éveille encore plus leur intérêt en disant que lui et son maître vivent depuis au moins 1000 ans. Il est ensuite enfermé dans une cellule, mais il se téléporte pour retrouver Radon, rentré à l'hôtel. Le lendemain, l'émir se promène en ville. Il repère des frogs à la recherche des 3 fugitifs. Il les suit après avoir prévenu Radon, qui se trouve au ministère du zoo. Le mulot castor est confronté à l'un des frogs dans l'ancienne cachette de Marshall, dans les bas quartiers. Après s'en être débarrassé, il établit un contact télépathique avec le mutant. Lui, Laurie Martin et Rodrigo de Berceo sont en compagnie de francs-passeurs qui travaillent pour eux. Radon apprend que les Ara, suspicieux, ont demandé des informations à Harkonnis sur Pistol. De plus, un véritable inspecteur, Glogol, annonce son arrivée et affirme que Pistol est un imposteur. Perry Radon et l'émir rejoignent les 3 terriens et, grâce à un système de télécommande, récupèrent le Kusnor. Le yacht fuit dans l'espace. Le fascicule allemand numéro 53, Les damnés d'Issan, écrit par Kurt Mahr en 1962, ne fut pas traduit en français. Après avoir quitté Tolimon, le Kusnor a effectué des hypertransitions vers le cœur de la galaxie pour échapper à ses poursuivants. Il a décidé de rester 4 semaines dans un système binaire pour laisser les recherches s'apaiser. Il se pose sur la planète Issan. Huit ans après une guerre nucléaire qui a ravagé toute la surface de la planète, les survivants essaient de s'organiser à l'intérieur de bunkers. À l'intérieur du bunker Phenomat vivent 10 000 personnes qui commencent à éprouver des problèmes pour se procurer de la nourriture. Yves Serra, qui est chargé de l'approvisionnement, est informé par un membre du conseil, qui l'arrogue, que des affrontements ont eu lieu à l'extérieur. Un groupe comprenant Yves Serra se rend à la surface. Son but et les bunkers s'allonnent. Ils s'introduisent dans le sas, mais ils sont attaqués et capturés. Pendant ce temps, les hommes de Salon s'emparent de Phenomat. Yves Serra remarque que les habitants de ce bunker sont mieux vêtus et dans un meilleur état général que ceux de Phenomat. Elle est amenée devant Belal, un jeune homme gras qui est le chef du bunker. Yves Serra tente en vain de le tuer. Un inconnu intervient alors et les hommes de Belal ne font rien malgré les ordres de leur chef. L'homme, qui n'est autre que Perry Radon, emporte Yves Serra avec lui. Ils vont voir le capitaine Ferriar qui se rallie à eux. Alors que l'alarme est déclenchée, Perry, Ferriar et Yves Serra quittent le bunker et rejoignent Phenomat. Le bunker est vite repris grâce aux armes de Perry, rejoint par John Marshall. Il s'avère que le membre du conseil, Havan, était un traître complotant avec Salon depuis des années. Radon veut maintenant retrouver Belal et Havan pour mettre définitivement fin au conflit. Belal a décidé de s'emparer du vaisseau de Perry Radon, protégé par une barrière invisible. Lui, Havan et quelques hommes s'en approchent. Ils ouvrent le feu quand Radon arrive. Rodrigo de Berceo, inconscient du danger, veut l'aider, mais il est tué. Belal et ses hommes s'enfuient. Des impacts de roquettes ont détruit la propulsion du vaisseau, de même que le bouclier. Le yacht est abandonné et Radon envoie un message hypercom vers la Terre. Belal attaque à nouveau, mais lui et ses hommes sont décimés par des radions chocs. Havan, bien qu'il ait repris le bunker Phenomat, ne tarde pas à être neutralisé à son tour. Le Drusus, la plus récente nef de la Terre, arrive ensuite avec 20 millions de tonnes de nourriture. Son commandant informe Radon de l'agitation des Arcanides. On suppose que le régent soupçonne Radon d'être à nouveau actif. fascicule allemand numéro 54, Le Duel, écrit par K.H. Scheer en 1962, fut adapté en deuxième partie du volume français numéro 22, L'Amiral d'Arconis, paru chez Fleuve Noir en 1973. Depuis son retour sur la Terre, Atlan est constamment interrogé. Alan D. Merkent a retrouvé ses traces au 20e siècle et suppose qu'il est sur Terre depuis longtemps. La discussion porte à un moment sur son activateur cellulaire, un objet ovoïde qu'il porte autour du cou. Il s'est contenté de dire que son port était une question de vie ou de mort. Depuis le 12 mai, Atlan fait des conférences à l'école astronavale de Terrania. Il y rencontre Marlis Gentner, descendante de colons de Vénus et fière de ses pères. Elle fait partie de ceux qui considèrent que la Terre ne traite pas les Vénusiens comme des adultes. Elle exprime à Atlan son indignation quant à sa captivité. Le 13 juin, l'Arconide lui dit où est cachée une partie de son équipement et la jeune femme lui apporte un déflecteur. Invisible, il peut regagner sa forteresse sous-marine. Il prend la place d'un immigrant et embarque pour Vénus en compagnie de 250 autres immigrants. Le groupe est débarqué à l'astroport de Port-Vénus, où ils sont informés des dangers de la planète. Atlan écrit une lettre à Marlis Gentner qui lui fournit un contact, Gunther Viespan. Atlan échappe à un piège, tendu dans la propriété de ce dernier, se cache, puis repart pour Port-Vénus quelques jours plus tard. Il se cache dans le musée terrien, où Perry Rodden finit par le rejoindre, et les deux hommes se battent avec des armes médiévales. Avec son expérience, Atlan l'emporte et blesse Rodden. Atlan révèle alors qu'il a 10 000 ans et qu'il a supervisé la construction de la base de Vénus. Rodden demande son aide pour vaincre le régent. Quand l'émir apparaît, les deux hommes ont sympathisé. Le fascicule allemand numéro 55, L'ombre du surmutant, écrit par Kurt Brand en 1962, fut adapté en première partie du volume français numéro 24, Le spectre du surmutant, paru chez Fleuve Noir en 1973. Le croiseur léger Lotus est en attente depuis 14 jours à proximité du soleil Hépérès. Il attend des nouvelles de Ralph Sicheron, un membre de la milice des mutants, en mission sur la planète Volat. Le 12 juillet 2040, il reçoit le message « La cloche a sonné trois fois », puis « Tout contact est coupé ». Cette phrase signifiant que la Terre est menacée, le Lotus repart immédiatement pour la Terre en avisant Perry Rodden. Là, le Stellark charge le commandant Jim Marcus d'amener le mutant Felmer Lloyd sur Volat. Une gazelle quitte le Lotus pour se poser sur la planète, non loin de celle de Sicheron, cachée sous une cloche énergétique. Lloyd prend un aérotrain pour gagner Kuklun, la capitale planétaire. Il gagne ensuite l'immeuble où travaille Sicheron et qui appartient au clan des Uxlades. Lloyd est abordé par Kouri O'Neri, dont le clan a été ruiné par les Uxlades 8 ans plus tôt. Elle connaissait Sicheron, qui devait avoir découvert quelque chose de terrifiant. Si un ami à lui devait se présenter, il devrait aller voir la mère très sage, la reine des volatons indigènes. En fouillant dans les affaires de Sicheron, Lloyd trouve le nom Monterney inscrit sur un agenda. Stafford Monterney, le surmutant, mort depuis 1981. Des francs-passeurs font éruption dans le bureau, mais Lloyd utilise son radiant-psy pour s'en débarrasser. Il quitte ensuite la résidence Uxlad avec Kouri O'Neri. Il se renseigne sur un vaisseau qui a fait escale sur Volat il y a une semaine. Lloyd se rend dans la forêt et obtient une audience auprès de la mère très sage. Celle-ci lui dit s'être entretenue avec Sicheron, qui a découvert à Kuklun deux hommes aux facultés étranges. De retour dans la capitale, Lloyd est à nouveau confronté aux francs-passeurs. Le mutant apprend de leurs pensées qu'ils obéissent à un chef sans visage, tout comme jadis les victimes du surmutant. Lloyd et Kouri fuient dans les bas quartiers de la ville. Lloyd sait maintenant qu'il a affaire à un fascinateur et un télépathe. il fuit dans la forêt vierge, sur le plateau où se dresse la cité des volatants. Quand une attaque mentale frappe Lloyd, Corey suit ses instructions et le paralyse, le mettant ainsi à l'abri. Après avoir été accueilli par les volatants, Lloyd repart pour Coughlan avec une équipe qu'il a recrutée. Il finit par localiser d'anciens membres de la milice des mutants, Gregor Topnov et Nomo Yatuil. Tous deux se sont vus refuser la douche cellulaire sur Delos en raison de leur caractère et de leur mentalité. Pour se venger, ils ont conclu une alliance avec les francs-passeurs, leur promettant les coordonnées de la Terre. Leur but est de forcer Rodden à les amener sur Delos. Un franc-passeur, qui travaille pour Lloyd, a vu Tyruxlad rentrer les coordonnées de la Terre dans le cerveau-P d'un cargo. Après plusieurs affrontements, Lloyd parvient à s'introduire dans le navire et détruit le cerveau-P, de même que l'astronef lui-même. Attaqué par les francs-passeurs, il est touché, mais il parvient à regagner sa gazelle et à prévenir le Lotus. Il est ensuite hébergé par les volatants. Le fascicule allemand numéro 56, « Les morts vivent », écrit par Clark Dalton en 1962, fut adapté en deuxième partie du volume français numéro 24, « Le spectre du surmutant », paru chez Fleuve Noir en 1973. Alors que Perry Rodden et Reginald Bull discutent de deux groupuscules politiques, les défenseurs de la démocratie et les Arcadiens, le Stellark est prévenu de l'arrivée du Lotus. Jim Marcus fait son rapport sur les événements sur Volat et Rodden décide d'agir sur le champ. Le Lotus repart avec Rodden, l'émir et le fascinateur André Lenoir. En route, ils sont informés que le mutant Gregor Topnov est venu sur Mars emporter Tora. Une fois dans le système des Pérès, une gazelle est éjectée, mais elle est abattue avant de se poser sur Volat. Les passagers, Rodden, Lenoir et l'émir, sont traqués par les ronronnants, des félins sous contrôle hypnotique utilisés par les francs-passeurs. Les volatants interviennent, et à l'exception d'un, tous les ronronnants sont tués. Le survivant est libéré de l'hypnose et, baptisé Puce, il devient un ami de l'émir. Les volatants amènent les naufragés dans leur cité, où ils retrouvent Felmer Lloyd. Déguisé, l'émir se rend dans le comptoir central de la ville de Coughlan. Il est intercepté par un franc-passeur et amené devant Gregor Topnov, mais celui-ci ne le reconnaît pas et le laisse filer. Le passeur qui l'avait arrêté tente de l'étrangler, mais le mulot castor le téléporte dans le village des volatants. Rodden, le noir et l'émir se rendent dans le palais de l'administrateur arconide Mansrin. Rodden appelle le régent, se faisant passer pour Mansrin. Il déclare qu'une rébellion est en cours et qu'il a besoin d'une escadre de combat. Peu après, le véritable administrateur se rend compte que quelque chose ne va pas avec la station de réception Hypercom, mais le radio a disparu. Il a été enfermé par l'émir dans une cave. Rodden et ses hommes fouillent le comptoir à la recherche de Tora. Le Stellark se présente directement à Tropnov, qui refuse de lui dire où elle est. Ce n'est toutefois plus la peine, l'émir l'ayant retrouvée. Les hommes de Tropnov interviennent alors en force. Alors qu'il vient juste d'être informé de ce qui s'est passé par le radio libéré, Mansrin apprend qu'une fusillade a lieu au comptoir central. C'est à ce moment que se présente la 7e escadre d'Arkonis. Lloyd tue Topnov pour sauver Rodden. L'émir téléporte Nomo Yatuin au sommet d'une aiguille rocheuse, mais le mutant préfère se suicider en se jetant dans le vide. Dans la confusion du comptoir central où s'affrontent Rodden, les francs-passeurs et les troupes arconides fraîchement débarquées, le lourd Talamon reconnaît Rodden juste avant que le mulot castor ne le téléporte. Stupéfié, il en informe le régent. Celui-ci vérifie le message qui lui a été envoyé et confirme qu'il s'agissait bien de Perry Rodden, censé être mort il y a 56 ans. Rodden et ses amis retrouvent leur gazelle et se rendent au village volatant. Là, Rodden est informé par le Lotus que le régent émet en continu demandant à entrer en contact avec lui. Plus tard, sur la Terre, on détermine que le régent a des problèmes et qu'il a besoin de l'aide de la Terre. Le fascicule allemand numéro 57, Les terroristes, écrit par Cottemard en 1962, fut adapté en première partie du volume français numéro 25, Les exilés d'Alger, paru chez Fleuve Noir en 1974. Horace O. Mullen est le chef des défenseurs de la démocratie, un groupuscule politique considérant Perry Rodden comme un dictateur. Il se rend à Terrania, où il fait connaissance de Frody Nicholson, une étudiante en exobiologie. Alors qu'il navigue le soir sur le lac de Goshen, des inconnus les capturent. Leur ravisseur est Walter S. Hollander, chef des Arcadiens, un autre groupuscule politique. Hollander et Mullen finissent par s'allier dans leur objectif commun, tuer Rodden, mais Mullen se méfie de son nouvel allié, qui cherche à prendre le pouvoir à son propre profit. Quand Rodden arrive en public à l'Assemblée, Mullen, Frody et un Arcadien sont présents. Les deux hommes tirent et provoquent une explosion. L'orateur était en fait un androïde. Les conspirateurs s'enfuient. Frody les attire dans un débarras où ils sont arrêtés. À son réveil, Mullen est amené auprès de Rodden, qui lui dit qu'il était surveillé dès son arrivée à Terrania. Mullen comprend que Frody travaille pour les services de sécurité. Les 20 000 défenseurs de la démocratie et 5 000 Arcadiens ont été arrêtés. Lors du jugement, la plupart des conspirateurs bénéficient d'un non-lieu, mais 8 000 sont condamnés à l'exil. Ils doivent être déportés sur le monde vierge, Rigel III. L'aventureux part pour Rigel III avec les déportés. Frody, tombée amoureuse de Mullen, le rejoint. Ils sont mariés par un officier de l'état civil. Hollander fait croire au commandant Flagellen que Mullen projette une mutinerie. Mullen est incarcéré et, en fait, ce sont les Arcadiens qui s'emparent de l'astronef. Durant les combats, le transformateur de phase est endommagé. Tandis que les deux groupes s'affrontent, Hollander déclenche une transition malgré le danger, un croiseur de patrouille s'approche. L'aventureux se matérialise dans une région inconnue de l'espace. Les défenseurs de la démocratie arrivent à prendre le dessus et Hollander est grièvement blessé. L'astronef parvient à se poser sur une planète. Ce n'est plus qu'une épave. L'hypercom a été détruit après que Mullen a réussi à envoyer un message. La planète est baptisée Alger en raison d'animaux y vivant, un mélange d'éléphants et de girafes. Le message émis par Mullen a été reçu par un croiseur de patrouille. Perry Rodden décide de ne pas intervenir et de surveiller l'évolution. Le fascicule allemand numéro 58, L'attaque des invisibles, écrit par Clark Dalton en 1962, fut adapté en première partie du volume français numéro 26, L'invasion des invisibles, paru chez Fleuve Noir en 1974. Perry Rodden rappelle sur Terre tous les mutants en mission dans la Voie lactée. Maintenant que le régent sait que Perry Rodden n'est pas mort, la situation est grave. Le Stellark propose comme point de rendez-vous le système de Mirsal. Le Drissus, la nouvelle nef amirale de l'Empire solaire, y retrouve le croiseur Arconide Harcourt, commandé par le lourd Talamon. Une station-relais permet au régent de s'entretenir avec Rodden. Il lui parle d'une menace qui dépeuple des planètes entières, humains comme animaux. L'alerte est soudain donnée. On a repéré des nefs inconnues invisibles qui correspondent aux apparitions déjà repérées lors d'attaques. La chaloupe C-13, avec Rodden à bord, part en reconnaissance sur Mirsal III, mais il n'existe plus aucune trace des habitants. La chaloupe C-7 du lieutenant Marcel Roux détecte des objets qui disparaissent aussitôt. Elle se pose et, à sa stupeur, Roux voit ses hommes et des robots devenir transparents et disparaître. Roux rejoint la C-13. Les mutants aussi perçoivent des contacts fugaces. Felmeroid commence aussi à s'effacer, mais les téléporteurs le sauvent de justesse. Des robots, puis la chaloupe C-7, disparaissent. L'Harcourt détecte une fusée primitive dans l'espace, qui est bientôt victime du mystérieux phénomène. Contrairement à ce qu'indique l'index astronautique des Arconides, Mirsal II semble posséder une civilisation. Quand des hommes de l'Harcourt commencent à disparaître, le croiseur plonge en catastrophe. Perry Rodden décide d'aller voir ce qui se passe sur Mirsal II. Le fascicule allemand numéro 59, Retour du néant, écrit par Cotemar en 1962, fut adapté en deuxième partie du volume français numéro 26, L'invasion des invisibles, paru chez Fleuve Noir en 1974. Trois terriens, Felmeroid, Marcel Roux et l'exopsychologue Rosita Perez, enquêtent sur la planète Mirsal II, où plusieurs pans de population ont disparu. Ils empruntent un autocar qui les emmène vers la ville de Filinan, mais en cours de route, tous les passagers disparaissent. Seuls les terriens ne sont pas affectés. Ils entrent dans la ville, forte de 3 millions d'âmes, subjuguant les sentinelles avec leur radiampsie. Le phénomène de disparition se produit de nouveau. Il se manifeste sous la forme d'un bruissement de l'air, une sorte de rideau presque invisible. Les terriens déterminent qu'ils peuvent protéger les autochtones en les entourant avec eux d'un champ protecteur. Ils ramassent aussi un morceau de plastique s'étant trouvé sur le passage du rideau. Ils sont arrêtés par la police, mais celle-ci ayant découvert leur identité, ils coopèrent. Il est maintenant certain que le phénomène correspond à l'interférence avec un autre continuum. L'analyse du morceau de plastique prouve que le temps s'y écoule 72 000 fois plus lentement. Par hasard, les terriens découvrent un moyen d'y accéder en bricolant un générateur de champ d'énergie. Celui-ci forme un anneau, une lentille. Marcel Roux le franchit pour partir à la recherche de Rosita Perez, qui elle aussi a disparu. Il se retrouve dans un monde absolument figé, une plaine cernée d'une muraille d'ombre impénétrable circulaire. Roux retrouve Rosita, la fait traverser l'anneau dans l'autre sens et elle retrouve son rythme temporel normal. Les disparitions augmentant, le Drusus et l'Harcourt entreprennent d'évacuer le maximum de population. Le Drusus gagne ensuite Arconis, où Rodden s'entretient avec le régent. Il s'avère que ce dernier ne peut appréhender des notions de temps différents et a besoin pour cela de l'aide de Rodden. Celui-ci obtient le commandement de 75% des escadres de guerre Arconides sans neuf robots. Il peut aussi utiliser à son gré Arconis III et les autres bases. Les éditions de l'avenir vous ont présenté les résumés du cycle 2, des fascicules 50 à 59 des aventures de Perry Rodden, tels que rédigés par Michel Van Rue. Vous pouvez le trouver à rodden.stellark.com. La musique utilisée est de Kevin MacLeod, incompetech.com et Christian Martin. Cet enregistrement est diffusé sous contrat Creative Commons, Share Alike, et est une production 2014 des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir audio.canablog.com. Merci de votre attention et à bientôt.